Le manoir hanté par Maurice Lavelle. Quand nous eûmes longé la côte pendant une demi-heure, mon ami s'arrêta, tendit le doigt et dit « C'est là. Regardez, vous pourrez déjà vous rendre compte. » D'abord, je ne vis qu'un amas de rocs noirs et trapus. Des nuages passaient dans le ciel et la mer frissonnait sous les piqûres des gouttes de pluie. À l'horizon, une barre sanglante marquait la fuite du soleil. Elle disparut d'un seul coup. Dans le même instant, une lame s'écroula sur les rocs, et l'on eût dit, dans le bruit de cette trombe d'eau fulgurante, son écume serrée, que le soleil était vraiment tombé dans l'océan, comme un fer rouge tombe dans l'eau. Un voile d'oiseau de mer se perdit dans la brume, et la brise se leva. Alors seulement je distinguais sur les rochers, et comment chatonnait dans leur masse, une vieille maison aux pierres sombres. Par les jours de tempête, les vagues devaient bondir jusque sur son toit, car de grandes touffes d'algues y demeuraient attachées et frémissaient au vent. Nous nous remîmes en marche, avançant lentement. Le sentier devenait de plus en plus étroit, et des pierres roulaient sous nos pas. La houle avait grandi sous le souffle du large. Les vagues, après s'être écrasées sur les rochers, laissaient traîner sur l'eau de grandes taches blanches, et la maison, perdue dans le brouillard, devenait plus lointaine. Mon ami, qui marchait le premier, m'arrêta. « N'allons pas plus loin. Le sentier se perd par endroits, et nous risquerions de tomber. Regardez une fois encore, si vous voulez. »« Alors, vous êtes bien décidé à louer ici ?» lui demandai-je. « Tout à fait décidé. Vous ne craignez pas l'éloignement, la solitude ?»« Je les recherche. J'ai besoin de repos, de calme. Où les trouverai-je mieux qu'ici ?» Et nous parlâmes d'autre chose. Le lendemain, je quittai le village de bonne heure et je revins à Paris. Je ne pensais plus guère à tout cela. Lorsqu'une quinzaine de jours plus tard, je reçus la première lettre de mon ami. Il semblait heureux et gai, ne me parlait pas de son état nerveux, maladif, et ne s'inquiétait en aucune façon des événements de Paris. Je me réjouis donc, sans réserve, de n'avoir pas insisté sur mon impression première, car son esprit inquiet paraissait subir une transformation aussi heureuse que radicale. Deux semaines s'écoulèrent. Je reçus une seconde lettre. Le début en était assez banal et ne contenait pas d'allusion à ma lettre. Après quelques propos insignifiants, il reprenait ainsi. En vérité, ce pays est tout à fait extraordinaire et je comprends qu'un faible s'accommode mal de la vie qu'on y mène. Les gens y ont des allures mystérieuses et les plus sains d'esprit semblent par instants possédés. Moi-même, j'ai senti passer sur mes épaules, il y a quelques heures, un pénible frisson. Je dois vous dire qu'il y a dans mon cabinet deux portes, l'une en face de moi qui donne sur une terrasse, l'autre à main droite que je n'ouvre jamais parce que ses gonds rouillis grincent affreusement dès qu'on la pousse. Or, ma vieille servante, que j'avais appelée, entra précisément par ce côté et sous sa main, la porte tourna sans faire le moindre bruit. J'en demeurai stupéfait et lui dis « Vous avez graissé cette porte, Marie-Joseph ?» Elle hocha négativement la tête. « Comment se peut-il alors qu'elle n'ait pas grincé ?» Elle leva les épaules et me répondit « Est-ce qu'on sait, ici ?» Et elle ajouta, elle qui jusqu'alors ne m'avait jamais adressé la parole que pour répondre « Vous avez entendu cette nuit ?» Je la regardai fixement. Pas un muscle de son visage ne tressaillit. Moi, je sentais mes mains se crisper sur mes genoux, car cette nuit même, ne dormant pas, j'avais perçu pendant une heure des grattements et des bruits assez semblables à ceux que pourrait faire un marteau heurtant légèrement ma porte. À un moment même, ce bruit avait été si précis que je m'étais levé pour regarder dans le couloir. Mais là, je n'avais entendu que le vent sifflant au fond des fenêtres mal jointes. Les vieilles maisons, et celles-ci à plus de 6 siècles, sont pleines, je le sais, de ces murmures soudains, venus on ne sait d'où et qui déchirent le silence. Mais l'étrange, c'est que cette nuit, précisément, la vieille n'avait pas couché sous mon toit. Par quel moyen, dès lors, pouvait-elle savoir ce qui s'y était passé? Je lui dis, « Comment savez-vous cela ?» Elle grimaça un sourire et répondit, « Parce que vous avez la figure blanche de ceux qui ont entendu les morts taper les clous de leur cercueil. » Et comme j'ébauchai un geste, elle ajouta, « La maison est visitée par les esprits, c'est bien connu. » Souvenez-vous, mon ami, de l'angoisse que vous avez éprouvée sur la falaise, et vous saisirez l'impression que put faire sur moi, après une nuit agitée, la parole de cette vieille au masque sinistre. Ce ne fut, bien entendu, qu'une impression. À la minute où j'écris, Je suis aussi maître de moi que vous pouvez l'être de vous. Mais je m'explique par quels obscurs chemins la superstition se glisse dans les âmes simples. En dehors de cela, rien de neuf. Ma santé n'est pas aussi bonne que je le souhaiterais, et je retrouve bien lentement le calme dont j'ai besoin. De nouveau, un mois s'écoula sans que mon ami me donne un signe de vie. Un matin, dans mon courrier, je trouvai une lettre de lui. J'hésitais un instant à reconnaître son écriture, tant celle que j'avais sous les yeux était bizarre, tourmentée, différente de son écriture normale. Je l'ouvris enfin. Elle contenait 8 feuillets de tailles différentes, couverts d'une écriture hachée, disjointe, tantôt si petite que j'avais peine à le déchiffrer, tantôt si grande, si hésitante, qu'on l'eût dite tracée de la main gauche. D'abord, la date me surprit. Nous étions le 30 septembre, et la lettre portait le 8 septembre, 10 heures du soir. Je ne m'arrêtai pas longtemps à ce détail et je lus. « Mon cher ami, j'ignore à quelle époque vous recevrez cette lettre. J'ignore même si vous la recevrez jamais. Mais il faut absolument que je l'écrive ce soir, car demain je n'en aurai peut-être plus ni la force ni le moyen. Je suis dans cette maison depuis 2 mois, et depuis 2 mois, il s'y passe des choses vraiment extraordinaires. Au début, j'ai voulu me soustraire à ce que je croyais être l'influence du milieu. Je me suis efforcé de sourire de ce que je ne pouvais expliquer, et de me montrer en cela supérieur aux gens de ce pays qui se résignent à avoir peur. Bientôt, j'ai dû, mettant de côté tout vain orgueil, chercher dans mon état maladif l'excuse de mes frayeurs grandissantes. Aujourd'hui, saint d'esprit, je vous l'affirme, et le cerveau parfaitement lucide, je répète, et je tremble en vous l'écrivant, qu'il se passe dans cette maison des choses extraordinaires. Dans ma dernière lettre, je faisais allusion à certains bruits entendus la nuit dans ma demeure. Or, ces bruits, je ne les entendais pas pour la première fois. Dès la première nuit, ils avaient frappé mon oreille. À la vérité, ils étaient vagues, légers, et je ne m'en préoccupais pas alors. Au cours des nuits qui suivirent, je les entendis de nouveau, et ils me parurent plus nets. Peut-être, pensais-je, n'y avait-il là qu'un effet de mon imagination, et mon oreille, plus attentive, percevait-elle mieux des bruits qu'elle connaissait. C'est du moins ce dont je voulus me convaincre, et j'y serais peut-être parvenu si d'autres faits plus précis, plus extraordinaires, n'étaient venus me troubler. Un soir, après être resté longtemps sur les rochers, je regagnai ma maison. Comme j'en franchissais le seuil, j'entendis, au-dessus de moi, des coups frappés nettement. Je crus que le heurtoir de la porte venait d'être soulevé. J'ouvris, personne. Je regardai au loin, pas une ombre. Je refermai. 2 coups plus secs que les premiers résonnèrent. Je prêtai l'oreille. L'horloge de la cuisine sonna 10 heures. 3 coups précipités rompirent le silence, et dans le même instant, une espèce de lueur traversa la nuit. Sur la seconde, je ne pus définir exactement cette lueur. Venait-elle d'un reflet de lune léchant les vitres, ou d'un éclair zébrant le ciel? Je n'eus pas le loisir de chercher davantage, car une série de coups frappés un peu plus loin de moi me fit tressaillir. Il me sembla qu'ils se produisaient à intervalles égaux, et je comptai tout bas. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 25. Au moment où j'arrivais à 30, les mêmes bruits et la même lueur. Je comptais à haute voix. 1, 2, 3, 4, 20, 30. Un coup sec déchire le silence et un éclair passa devant moi. Je restais sur place, incapable de faire un geste. Cela continua ainsi. Un silence, des bruits, une lueur. Encore un silence, encore des bruits, encore une lueur. Enfin, les silences se firent plus longs, les bruits devinrent plus sourds, la lueur plus fugitive, l'horloge sonna à la demi. Plus rien. Il vous est loisible, de loin, dans votre chambre remplie des rumeurs de la rue, de sourire de ce que vous appellerez mes imaginations. Si vous aviez été près de moi, je vous jure que vous eussiez tremblé comme je tremblais moi-même, et que vous eussiez senti la grande terreur de l'inexpliqué glacer vos os. À dater de cette nuit, je renonçai à habiter les pièces du rez-de-chaussée. Je les fermai à double tour et m'installai au premier étage. Là, durant une semaine, je n'entendis rien, je ne vis rien, et je commençai à retrouver le calme lorsqu'une nuit, je fus éveillé par les mêmes coups. Et sous ma porte qui joignait mal, je distinguais les mêmes lueurs. Je sautai à bas de mon lit et j'allumai ma lampe. Je visitais la chambre, je déplaçais les fauteuils, les armoires, pensant à je ne sais quelle absurde et impossible plaisanterie. Rien. Il était 1h30 du matin quand le premier choc me tira de mon sommeil. Le silence se fit vers 2h. Je ne me recouchai point, j'attendis le jour. C'est ce matin-là précisément que la vieille me dit que j'avais la figure blanche de ceux qui ont entendu les morts taper les clous de leur cercueil. Je me demande encore comment j'ai eu la force de ne pas sauter à la gorge de cette sorcière pour l'étrangler. Je me demande comment j'ai pu tolérer sa présence, supporter son regard. Et plus j'y songe, plus je devine, plus je sens qu'une puissance supérieure l'attache à moi, ou plutôt l'attache à cette maison, comme j'y suis attaché moi-même. Car vous pensez bien que j'ai essayé de fuir. Cela m'est impossible. Je fais mes mal, je descends, mais il faut que je revienne sur mes pas et que je rentre, parce que la nuit, on m'appellera en un langage que j'ignore, mais que d'autres doivent comprendre. Le soir de ce terrible jour, j'allumai les lampes dans mes 3 pièces et j'attendis. Minuit sonna, minuit et demi, 1h. Lorsque les aiguilles approchèrent de la demie d'une heure, j'eus la sensation que les appels allaient se produire. Rien. Je respirais. Mais comme elles arrivaient à 2h, un grattement se fit entendre. D'un bond, je fus à la porte et j'ouvris. Une bouffée d'air s'engouffra dans ma chambre, toutes les lampes s'éteignirent, et dans l'obscurité j'entendis les appels, et je vis les lueurs courir le long des murs. Cela, je l'ai vu comme je vois les lignes que trace ma main. Je l'ai entendu comme j'entends le tic-tac de ma montre placée devant moi. Et cependant, je ne veux pas croire encore. Je veux, pour être sûr de moi, tenir, heure par heure, le journal de mon épouvantable doute. 18 septembre, 7h, il fait nuit. Je frissonne. Est-ce de peur ou bien de froid? Je vais lire. 11h30. Depuis 1 heure, je ne comprends plus ce que je lis. L'angoisse du phénomène que j'attends m'étreint. Va-t-il se produire? Ma montre est devant moi. Elle marque 1h30. Elle approche de 2h. Si je dois entendre, je vais entendre. 2h05. Je n'ai rien entendu. Voici la demi. Hier, à 7h, les bruits et les lueurs décroissaient. 2h35. 2h40. 2h45. Mes sens ont-ils acquis en quelques jours une acuité prodigieuse ou suis-je le jouet d'une hallucination de l'ouïe et de la vue? Il me semble 2h47. On dirait 2h48. 2h49. Horreur! J'ai entendu, j'ai vu, on est là! J'ai peur, horriblement peur. 3h10. C'est fini. Depuis 5 minutes, plus de lumière, plus de bruit. On est parti. 20 septembre. Je n'ai pas fermé l'œil. Le silence depuis 3h10 est formidable. Un gamin est venu ce matin sous mes fenêtres et m'a fait signe de descendre. J'ai traversé la salle basse sans oser regarder derrière moi. J'ai ouvert la porte, mais le gamin n'a pas voulu entrer. Il est resté debout sur une roche à quelques mètres de moi et m'a dit que Marie-Joseph ne pourrait pas venir aujourd'hui. Il m'apportera des provisions. J'ai des tiraillements d'estomac. La bête n'abandonne pas ses droits. Depuis 36h, je suis à jeun. J'ai faim. 3h25. Il fait presque nuit. L'enfant ne revient pas. Si, le voilà qui court sur les rochers. Je vais manger. Je descends, je n'ai plus peur. 6h50. Cette fois, je ne me suis pas trompé. J'ai entendu les bruits. L'enfant a laissé les provisions devant ma porte et s'est sauvé. Dans le même instant, un éclair a traversé l'ombre de la voûte. J'ai regardé ma montre, elle marquait 6h10. Ensuite, les bruits sont venus, j'ai lâché les victuailles, j'ai remonté l'escalier comme un fou. 23 septembre. Depuis 3 jours, je n'ose plus écrire. Le dernier mot tracé par moi danse devant mes yeux. Fou. Est-il possible que ma raison m'échappe? J'en ai peur, terriblement. Je sais pourtant que mes sens ne me trompent pas. J'entends, je vois. Jusqu'ici, le jour m'apportait quelque répit. Il s'est peuplé à son tour de murmures et de lueurs, comme la nuit. Ma servante me regarde avec ses yeux mauvais. et je n'ose pas l'interroger, car elle disait vrai. Quelque chose vit entre ces murs. L'heure à laquelle on vient avance régulièrement et je peux presque calculer l'instant où l'on sera là. Hier, on est entré à 7h31 du matin, puis à 7h58 du soir. Ce matin, on a commencé à 8h13. J'attends. Vers 8h ce soir, si ma progression est juste. 9h. On est venu à 8h30. Je ne suis pas fou, puisque je raisonne, puisque je calcule. Alors, un démon me guette, me torture. Pour quel crime? Qu'ai-je fait? Je ne peux plus supporter cette obsession de toutes les minutes. Je préfère en finir. La nuit. Je ne sais plus ni la date ni l'heure. Ma montre s'est arrêtée. J'ai fermé les volets et tiré les rideaux. La lumière du jour ne pénètre plus chez moi. 5 ou 6 fois, ma servante m'a passé des aliments par une lucarne. Je dois être enfermé depuis 5 ou 6 jours. Je lui ai défendu de reparaître devant moi. Cela ne peut se prolonger. Mon revolver est au rez-de-chaussée, mais je n'ose pas descendre le chercher. Je vais mourir ici de faim, de froid, de peur. En achevant la lecture de cette lettre, j'eus la sensation que mon avis avait perdu la raison et je partis le soir même. Lorsque j'arrivai au village, il était 10h du matin. Il pleuvait et je retrouvais l'impression pénible que j'avais éprouvée quelques semaines auparavant. J'aperçus la maison au bout d'une demi-heure de marche. Autour de moi, tout était calme, un peu mystérieux. Je m'arrêtai devant la porte. Les volets étaient clos. Je soulevai le marteau. On marcha dans la maison. Le bruit de pas se rapprocha, s'arrêta, la porte s'ouvrit, et une vieille me dit d'un ton rude « Qu'est-ce que c'est ?» Comme elle semblait vouloir me barrer le chemin, je la repoussai de l'épaule et j'entrai. Elle répéta sans lâcher la porte « Qu'est-ce que c'est ?» Le son de sa voix, son regard, je ne sais quoi de glacial et d'insolent à la fois dans son attitude, m'irritèrent. « Je veux voir votre maître, » lui répondis-je. Elle hocha la tête. « Vous ne le verrez pas. » J'eus peur une seconde qu'il fût mort et je m'écriais. Serait-il arrivé un malheur? Elle hocha la tête pour la seconde fois. Je ne pense pas. Je l'ai entendu ce matin. Je respirais. Eh bien, je veux le voir. Elle fit sonner son chapelet sous son tablier et de son coude écarté du corps, me montrant un escalier, me dit « Montez alors !» Puis elle tourna les talons et disparut dans un couloir. Je gravis une 20aine de marches et me trouvai devant une porte garnie de clous rouillés et d'épaisses ferrures. Une araignée avait tendu sa toile entre le bois et la maçonnerie et guettait, immobile, comme si, depuis des mois, nul n'avait franchi ce seuil. Je frappai, pas de réponse. Je frappai de nouveau, une voix cria de l'intérieur. « Qui est là ?»« Moi, votre ami, ouvrez !» La voix trembla. « D'où venez-vous ? Que voulez-vous ? Je ne suis pas celui que vous cherchez. Allez-vous-en »« Ouvrez, que diable ! » m'écriai-je. Vous m'avez écrit, j'ai fait les 600 kilomètres pour vous joindre. Il se fit un grand bruit de meubles remués, une clé grinça dans la serrure, 2 verrous raclèrent le bois, la porte s'entrebâilla enfin, et je vis un être si pâle, si maigre, avec des yeux luisants, une barbe de plusieurs jours et des cheveux si blancs que j'eus peine à reconnaître mon ami. Lui-même me dévisagea quelques secondes en silence, puis me dit « Oui, c'est bien vous. « Entrez, mais faites vite !» Derrière moi, il referma la porte à double tour et tira les verrous. « Vous avez eu tort de venir ici. Je suis perdu. Et peut-être le serez-vous bientôt vous-même. »« Je ne pense pas, » fis-je en m'efforçant de sourire. Il me regarda fixement. « Vous ne prétendez pas, j'imagine, lutter avec les puissances supérieures et triompher d'elles, s'il leur plaît de vous terrasser comme elles m'ont terrassé moi-même ?»« Oh, » fis-je. Les grands mots que voilà. Vous me croyez fou. Je pense, moi, que c'est vous qui l'êtes en ce moment. Je ne suis ni un démon, ni un halluciné. Vous vous demandez sans doute pourquoi, ayant à confier de tels secrets, je parle à haute voix. Pourquoi parlerais-je bas puisqu'on m'entend penser? Comprenez-vous? Non, vous ne comprenez pas. Il faudra, pour abattre votre orgueil, que vous entendiez ce que j'ai entendu, que vous voyiez ce que j'ai vu. Mais partez. Croyez-moi, partez à l'instant même, car lorsqu'on aura frappé à cette porte, il sera trop tard. Je ne sais plus l'heure. J'ignore depuis combien de temps je suis enfermé ici, mais dans ma solitude et dans ma nuit, je n'ai pas cessé de penser. J'ai vu, en entrouvrant pour vous cette porte, qu'il faisait jour. Dites-moi la date et l'heure, et je vous dirai, moi, à quelle seconde précise on viendra. Peut-être alors, si tout se passe suivant mes prévisions, voudrez-vous croire que je ne suis pas fou ? Nous sommes le 2 octobre et il est midi et demi, lui dis-je. Il réfléchit un instant. Il faudra donc que vous attendiez la nuit. On sera là, ce soir, entre 11h45 et minuit. Minuit, l'heure des revenants. Mais il se dressa violemment et ordonna « Taisez-vous !» Sa tête dépassait l'abat-jour de la lampe. Je ne pouvais distinguer ses traits, peignés d'ombre. Je voyais seulement ses mains longues et maigres, dont les ongles s'étaient incrustés dans le bois de la table. Il se rassit et ne desserra plus les dents. Après un long silence, je tentai de parler, mais il mit un doigt sur ses lèvres et murmura « Chut !» Un peu plus tard, il me demanda « Quelle heure ?»« 4 heures. » Il murmura « Dans 7 heures. » À différentes reprises, j'essayai de le questionner. Invariablement, il répondit « Attendez !» Peu à peu, la fatigue, la faim eurent raison de moi et je m'endormis. La voix de mon ami me tira de mon sommeil. « Éveillez-vous, le moment approche. Il doit être près de 11 heures. » Je regardai ma montre. Elle marquait 11h05. Comme il n'avait ni montre, ni pendule, et qu'aucun bruit du dehors, si ce n'est le roulement sourd des vagues, ne venait jusqu'à nous, je pensais que, durant mon sommeil, il avait dû compter les secondes avec une patience de maniaque. Je le regardais. Son visage me sembla plus sinistre encore que le matin. Tout en suivant sur sa face livide les ravages qu'avait fait la folie, je songeai au moyen de l'emmener sans qu'il opposât trop de résistance. Il murmura. « 11h25. On n'est pas loin. « Voyons, lui dis-je, la maison est absolument silencieuse, c'est une illusion. » Mais lui, me faisant signe de la main, « Patience, patience !» Il se leva, le corps secoué de grands frissons et compta. 11h40. 1. 2. 3. 4. 5. 11h45. 1. 2. 3. 4. 5. Une grande pitié m'avait envahi. En même temps, une curiosité intense me tenait attentif au moindre de ses gestes. Sans doute la crise allait-elle le prendre. Il l'attendait avec un mélange d'angoisse et de volupté. Il compta. 11h55. 11h56. Et se tut. Alors, il me sembla que quelque chose s'agitait, rampait à mes côtés. Je me tournai vers mon ami. Ses yeux se fixèrent sur les miens. Il se tenait tellement immobile que l'ombre de sa main tendue ne tremblait même pas. Et soudain j'entendis 3 coups aussi nets que des coups de maillet frappés contre le mur. Mon ami posa lourdement sa main sur mon épaule et je me sentis frissonner. Pour la seconde fois, les coups résonnèrent si nets, si cadencés que je me priais. « Il y a quelqu'un ici !» Lui, enfonçant ses ongles dans ma peau, gronda. « Vous entendez ? Vous entendez ? Vous me faites mal !» criai-je, en essayant d'échapper à son étreinte. Mais son autre main s'abattit sur moi avec une telle force que mes genoux fléchirent. Ses yeux terribles fouillaient mes yeux. Je sentais son souffle sur mon visage. J'entendais le grincement de ses dents. Et j'entendais surtout les coups frappés dans le mur, à chaque instant plus forts et plus précipités. Une angoisse inexprimable me montait à la gorge. Angoisse double, faite de la terreur de devenir fou à mon tour ou d'entendre vraiment les bruits. Toujours à la même cadence, le rappel effrayant battait à mes oreilles. Le doute n'était plus possible. Quelque chose d'extraordinaire se passait près de moi. Je ne savais plus où finissait la réalité, où commençait le cauchemar. Dans un effort désespéré, je saisis mon ami à la gorge et le repoussai loin de moi. Il tomba. Avec le drap de mon habit, ses ongles déchirèrent ma peau. D'un bond, je fus contre la porte, je bousculai les meubles entassés, je tirai les verrous et j'ouvris. Une rafale de vent balaya le couloir et s'engouffra dans la chambre. La lampe s'éteignit, 3 coups ébranlèrent la muraille et une lueur traversa la nuit. Je restai pétrifié contre le montant de la porte. Cette demeure avait-elle l'effrayant pouvoir de rendre fous ceux qui en franchissaient le seuil ? Ou bien, en vérité, des ombres venaient-elles s'y appeler la nuit ? Si c'était cela, pourtant, si l'une d'elles, dans la seconde, dressait sa silhouette inconnue et terrible devant moi, Peu à peu, les bruits faiblirent, les éclairs s'éteignirent, et avec la nuit, le silence revint. Je regardais ma montre, elle marquait 1h15. Alors, sans songer à secourir mon ami que j'entendais gémir près de moi, je pris mon revolver et je descendis en courant l'escalier. Je m'engageai à tâtons dans le couloir où le matin j'avais vu disparaître la vieille et j'arrivai à la cuisine. Je grattai une allumette. Une lanterne était posée sur la table. Je l'allumai et l'élevant au-dessus de ma tête, j'examinai la pièce. Tout y était propre et tranquille. Un chat couché près de l'âtre s'étira en faisant le gros dos. Je sortis tenant ma lanterne d'une main et mon revolver de l'autre et je me mis en route, fouillant tous les recoins, m'arrêtant à chaque seconde pour épier un bruit, repartant, m'arrêtant encore. Je visitais ainsi toutes les pièces, j'essayais toutes les portes, vérifiant les serrures, les gonds. Rien. Dans la cour, près d'un escalier qui s'enfonçait dans le sol, il me sembla percevoir un grattement. J'armai mon revolver et criai « Qui va là ?» L'écho bondit et rebondit, nulle voix ne répondit à la mienne. Je mis le pied sur la première marche et m'arrêtai, paralysé par la peur du mystère. Mais je me raidis et je descendis. Deux fois ma lanterne s'éteignit et deux fois je la rallumai. Je fis un faux pas et me retins au mur, mais je m'en écartai vivement. Mes doigts s'étaient posés sur quelque chose de visqueux. J'élevai la lumière et je vis que ce qui m'avait si fortement ému n'était qu'une limace rouge. Enfin, je regardai autour de moi. Bientôt, je me trouvai dans une immense cave. La voûte se perdait dans l'ombre. Du sable uni couvrait le sol. J'entendais un grondement cadencé qui tantôt roulait comme un tonnerre, tantôt n'était plus qu'un murmure. Je remarquai que dans une certaine direction, le grondement semblait plus fort. J'avançai avec précaution et j'atteignis enfin un mur. J'y collai mon oreille, reconnus que ce grondement était celui de la mer battant les flancs du rocher. Au-dessus de ma tête, la pierre était noire et luisante. De larges flaques d'eau s'étalaient à mes pieds. Je fis quelques pas sur ma gauche et comme j'allais regagner le centre de la cave, mon pied heurta un obstacle qui rendit un son bizarre. Je me baissai. Je vis une sorte de petite auge à demi enfoncée dans le sable. Dans cette auge était plongée une boîte surmontée de baguettes flexibles qui rejoignait la muraille et s'y perdait. J'étais bien loin, en cet instant, des vaines curiosités, mais je ne sais pourquoi cet objet m'intrigua. Je posai ma lanterne, je replaçai mon revolver dans ma poche, et j'essayai de redresser la petite auge, mais je la secouai vainement. Avec mes doigts, j'écartai le sable qui l'entourait et je trouvai une dalle. Je continuai à rejeter le sable et je mis à nu un anneau. Je l'empoignai à deux mains et tirai de toutes mes forces. La pierre ne bougea pas. Je tirai une deuxième fois, la pierre trembla. Je tirai encore, la pierre céda enfin et sortit, laissant voir une fosse peu profonde où j'aperçus un tube grisâtre. C'était un rouleau de parchemin scellé d'un cachet. Je le dépliai et l'approchai de la lanterne. Je ne distinguais d'abord que les taches vertes d'humidité, mais en regardant de très près, je reconnus des caractères gothiques en partie effacés. Des lignes entières avaient disparu sous la moisissure, d'autres étaient plus distinctes et je lus, écrit en français du XVe siècle, ce qui suit. 16e jour du mois de janvier 1459. Avec cet appareil, transformé en or tous métaux puisque créé, déterminé à ma volonté, semblable à ceux du ciel, mouvoir les objets. Sans doute il y a dans ceci quelque chose de diabolique car passage sur mon corps provoque de grands tremblements et douleurs. Ne veux pas que mon secret meure complètement avec moi. Je l'enferme ici. Si siècle, le trouver, maître d'eau, assis d'enfer, vase de terre. D'autres mots suivaient, mais trop espacés les uns des autres pour qu'il fût possible de leur supposer un lien. J'en lus plusieurs fois l'étrange manuscrit, me demandant quelle pouvait bien être cette mystérieuse découverte, dont un homme du XVe siècle avait enfoui le secret. Un seul point m'apparut d'abord clairement. Celui qui parlait en 1459 de transformer en or tous les métaux ne pouvait être qu'un alchimiste. Mais que signifiait la suite? Le parchemin entre les doigts. Je demeurai longtemps immobile, songeant à ces temps merveilleux où des hommes usaient leur vie pour découvrir la pierre philosophale. Une pensée traversa mon esprit. Je relus « Déterminé à ma volonté, semblable à ceux du ciel, mouvoir les objets. Au fond de la petite auge, quelques gouttes d'eau scintillaient sous la flamme de ma lampe. La pensée qui m'assaillait encore était si invraisemblable que je haussai les épaules. Et pourtant, je m'entêtais à la creuser. Cette auge de pierre, cette boîte poreuse, ces baguettes flexibles. Je me mis à genoux et je tâtai le sol. Sous ma main, dix récipients pareils, pareillement inclinés, étaient rangés. Je me relevai. Les mots du parchemin dansaient devant mes yeux. Déterminé à ma volonté, semblable à ceux du ciel. L'idée qui avait surgi dans mon esprit était si extraordinaire que je n'osais la formuler. Je m'appuyai au mur et soudain, ma main s'étant posée sur une espèce de corde, je ressentis par tout le bras, des doigts jusqu'à l'épaule, une commotion violente. Je poussai un cri. Ma terreur revenue ramena ma pensée auprès de mon ami que j'avais laissé grelottant dans sa chambre, au bruit prodigieux, aux lueurs crépitantes, et soudain, réunissant ses phrases hachées du document, « Semblable à ceux du ciel, passage sur mon corps provoque grand tremblement et douleur, je compris d'où venaient les bruits et les lueurs, leur retour à des heures précises, leur durée, tout était dit sur le parchemin. » Le rêveur de génie, habitant de cette demeure, avait sans s'en douter, 3 siècles avant Galvani, découvert l'électricité, et 500 ans avant Edison, appliqué les prodigieux effets de cette force. Les 10 auges inclinées constituaient une batterie de piles. Jadis droite, elles s'étaient penchées peu à peu jusqu'à affleurer le sol. Alors l'eau, se glissant dans le caveau à la marée haute, les avait envahies. Lorsque les vagues descendaient, l'eau, par suite de l'inclination des auges, n'y pouvait séjourner. Ainsi, pendant une demi-heure environ que durait la pleine mer, les lames, dont leur va-et-vient établissait et interrompait le courant. Ainsi, suivant, docile, le jeu des marées, les lueurs et les bruits renaissaient à l'heure où la mer montait à l'assaut du rocher. Je bondis vers l'escalier. Je traversai la cour et j'arrivai au premier étage. Le jour était venu. Une clarté violette baignait les murs. À la place où quelques heures plus tôt j'étais resté pétrifié par la peur, je levai les yeux, et il me sembla voir près du plafond une masse noire et 2 points brillants. Mais dans des genoux et des ongles, je grimpais, m'accrochant aux pierres en saillie. La masse noire était un marteau de bois dur mobile sur une planche. Les points brillants, distants de 2 travers de main, étaient 2 boules de métal, et des fils joignant tout cela filaient le long du mur et traversaient la cloison. La porte était entr'ouverte, j'entrai en criant. « J'ai trouvé ! J'ai trouvé !» J'ouvris la fenêtre, et la clarté du jour envahit la pièce. Dans un coin, accroupi, les genoux aux dents, mon ami me regardait hébété. Je le secouai par les épaules et lui dis « Lève-toi, je vais te raconter une admirable histoire !» Mais sans essayer même de me fuir, il bégaya des mots sans suite entrecoupés de grognements. Derrière moi, j'entendis un bruit, je me retournai. Dans l'encadrement de la porte, la vieille se tenait immobile. Son regard froid se posa sur moi, puis s'arrêta sur mon ami. Alors elle leva vers le plafond ses yeux pareils à ceux des grands oiseaux de mer, éternellement éblouis par la splendeur du ciel et des immenses horizons, et s'étant signé 3 fois murmura. « Les morts ont encore cloué cette nuit. » Ainsi s'achève La maison hantée par Maurice Level.